Et pour lui, de goûter de l'intelligence, c'est une grande expérience parce que c'est beau de l'intelligent. Mais ça ne doit pas être pesant de l'intelligent. Ça ne doit pas alourdir son esprit de l'intelligence. Ils disent que les gens cherchent trop encore. Ça peut devenir une habitude très profonde, ça. Le docteur Albeck, c'est un exemple parfait. Ça. Cherche. Ses enfants sont détachés de ça. C'est deux sortes. Ce sont deux vies mentales différentes dans la même famille. Un respecte l'autre. Les groupes d'âge se respectent. Mais les enfants sentent. Ils sentent qu'il y a. C'est pas leur expérience. Ils ne sont pas intéressés à s'alourdir. Ils ont raison, les enfants. De l'autre côté, les parents passent par une expérience qui est lente parce qu'il y a eu énormément d'alourdissement au cours des années, parce que justement, l'aide veut connaître, veut comprendre, veut saisir. Mais à un certain moment, il faut que l'homme réalise et descende dans la matière. Il faut que les gens descendent dans la matière. Elle le dit à soi. Il faut que l'homme redescende dans la matière. Il faut que l'homme lâche l'astral et redescende dans la matière. Si l'intelligence descend, elle vous révèle quelque chose, mais tant mieux. Si elle ne descend pas, elle vous révèle rien, lâchez l'astral. Lâchez, sortez de ces formes-là pour vous relaxer, vous occuper de vos oignons, votre petite vie de tous les jours. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas souffert de ça. Ils n'ont pas souffert de cette présence de la lumière dans le mental qui travaille, puis qui travaille 24 heures par jour. Fait que pour eux autres, tu comprends, chercher à comprendre, chercher à approfondir les choses, c'est plaisant. Mais quand que ça rentre, cette affaire-là, puis ça commence à travailler pendant des années de temps, je te jure qu'éventuellement, il y a quelque chose que tu veux, ça appelle. Le bol vide. C'est important pour les gens de comprendre que la conscience de la Terre est une conscience expérimentale. Ça veut dire que tout ce que vous faites au niveau de votre pensée, tout ce que vous recherchez au niveau de votre pensée, fait partie de la programmation de l'homme. Et toutes les pensées que vous avez dans votre tête sont là, et font partie d'une intoxication qui fait partie de l'involution et qui alourdissent l'esprit de l'homme. Et l'homme n'en a pas besoin de ça. L'homme a une chose à faire sur la terre, apprendre à vivre réellement, préparer ses corps pour la transmutation. L'homme n'a pas besoin sur la tête de penser au grand mystère de ci et au grand mystère de ça. S'il les parle, il n'est pas alourdi parce qu'il les parle, il n'y a plus de mémoire. Mais s'il pense, il remplit, puis il remplit, puis il remplit, puis il remplit. Automatiquement, il vit d'une fausse réserve d'énergie. Alors, l'homme a deux réserves d'énergie, il y en a une qui est astrale, puis il y en a une qui est mentale. Puis la réserve qui est mentale, elle est toujours là quand le besoin se fait sentir. Et elle ne sert pas à celui qui en est le conducteur, le canal. Elle sert toujours à l'extérieur de lui-même, mais elle lui donne toujours un plaisir, parce qu'il y a toujours un échange. Il y a un plaisir. Tu as un plaisir de t'entendre parler, de t'entendre dire telle chose. Mais c'est une réserve qui est pré-personnelle. Ce n'est pas une réserve qui est personnelle. C'est difficile pour nous autres de nous habituer à ça parce que on a été habitués, on a été conditionnés pendant des siècles, à des pensées et à des idées et à des concepts et à des formes qui sont devenues pour nous autres le tableau contre lequel on érige toutes nos conceptions. Et le réel, c'est pas ça. Et pour que l'homme rentre dans le réel, pour que l'homme aille dans les mondes parallèles qui sont en dehors de l'astral, il faut absolument qu'il soit capable de pénétrer dans ces mondes-là avec rien dans ses mains. Sans ça, automatiquement, il est rattaché à l'astral et il va dans l'astral. qu'on parlait l'autre fois à l'autre réunion, quand on dit on se sent suspendu, c'est qu'on n'a plus de support. Quand vous n'avez plus de support, c'est le commencement, c'est le début de la prise de conscience de l'intelligent. C'est le début. L'ego est tout seul, l'ego, il n'y a rien. Quand vous sentez, quand vous n'avez plus de support, c'est parce qu'il y a un changement en vous qui fait que vous vous déastralisez. Naturellement, au début, c'est pénible, c'est fatigant, c'est tu paniques, ou il se passe toutes sortes de choses. Mais, au moins, vous le savez, parce qu'on en a parlé. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est. Fait que tu t'assises dessus, puis t'attends. Puis après ça, c'est la vibration, ça repart. Mais, plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez vivre la suspension. Seulement qu'à un certain moment, tu vis la suspension, puis ta vie, la suspension, puis tu es content parce que tu sais que ça amène un changement vibratoire. Moi, je la vis encore, la suspension. J'ai la suspension des fois. Puis je dis à ma femme, il y a un changement de cycle ou il y a un changement vibratoire. Puis effectivement, une journée après, il y a un changement vibratoire. Fait que t'es bien, ça te dérange plus. Mais au début, ça te dérange, c'est normal. Il faut qu'on perde quelque chose pour avoir accès à autre chose. Mais on ne réalise pas jusqu'à quel point la conscience expérimentale de la Terre fait vibrer tous les fibres de notre être. Et on doit, avec le temps, être préparé à ne plus pouvoir aboutir à rien dans la vie mentale. Il faut que l'intelligence aboutisse quelque part, mais jamais notre psychologie. Parce que la psychologie de l'homme, elle ne peut pas aboutir nulle part parce qu'elle est circulaire. L'intelligence peut aboutir quelque part, puis elle aboutit où elle veut, et l'homme qui en est le canal en profite, en vit de ça. Mais nous autres, il faut qu'on en arrive à ne pas pouvoir chercher à aboutir quelque part. Parce qu'il n'y en a pas de quelque part au niveau de notre psychanalyse, de notre étude philosophique. Il n'y en a pas. Pour que l'homme puisse en arriver éventuellement à avoir des pensées totalement impossibles. Parce que c'est lorsque l'homme commence à avoir des pensées impossibles que l'homme commence à découvrir les mystères. Parce que les mystères sont totalement impossibles, c'est-à-dire que les mystères sont totalement à l'envers de l'astral. C'est pour ça qu'un homme qui va dans les terres, puis qui regarde les mondes dans les terres, voit des mondes qui sont totalement opposés à ce qu'il peut voir dans l'astral. Tu vas dans l'astral, tu vas dans les hauts plans de l'astral, puis tu vois des seigneurs des mondes, puis tu vois des personnalités qui dominent des très, très vastes régions de l'astral. Puis aussitôt que tu vas dans le monde mental, puis tu regardes ces mêmes êtres-là, à partir de ce monde-là, tu t'aperçois que ce sont simplement des forces dynamiques, mais unidimensionnelles, qui sont plates, qui n'ont aucune qui ont aucun volume, sont totalement plates. C'est simplement de la mémoire. Fait que ton expérience est totalement transposée et ta réalisation est totalement renversée. Fait qu'autant tu vas être dans un plan, tu vas voir des grands seigneurs de l'astral, puis tu vas même... comment est-ce que ça s'appelle ton machin? Koto. Le Sugmat. Tu vas à l'astral, tu perçois ou t'as une perception du Sugmat, puis tu vas dans les terres, puis tu t'aperçois que le Sugmat, c'est un son qui part du nord géographique, puis qui s'en va vers le sud géographique de la galaxie et qui s'éteint complètement aussitôt qu'il sort de l'espace absolu de l'astral. C'est le grand silence. Puis ce qui arrive, c'est que les gens prennent le Sugmat pour le grand silence, lorsqu'enfin, le Sugmat, c'est la fin du mouvement de l'éternité du savoir et de l'état mental supérieur, de toutes les forces qui contribuent à l'organisation mentale, atomique et spirituel, essentiel de l'homme. Alors c'est tout un autre champ d'expérience. Tout un autre champ d'expérience. Autant sur la Terre, on est prisonnier d'une conscience expérimentale, autant dans l'éther, les intelligences, les êtres, les mémoires, les entités mémorifiques sont sujettes à des réflexions infinies d'eux-mêmes, autant dans l'éther, dans les champs de vie, parce que l'éther, c'est un champ de vie, autant dans l'éther, l'être, l'esprit est parfaitement en harmonie avec la lumière et le son. Puis il n'y a pas besoin d'autre chose que ça. Il y a seulement besoin de la lumière et du son pour mesurer tout ce qui existe sur tous les plans. Fait que c'est très important à l'homme de comprendre les lois de l'évolution puis de comprendre les lois de la subjectivité et les lois de la soumission de son esprit. C'est pour ça que l'homme qui va vers l'évolution aujourd'hui doit réaliser à un certain moment, même si c'est un petit peu comparé avec ce qui sera demain, puis dans 2 ans, puis dans 5 ans, et l'homme doit commencer à réaliser son intelligence. Sentir son intelligence. Être capable d'affirmer son intelligence. Être capable d'apprécier son intelligence. Être capable de vivre son intelligence sans vibrer en dedans. Être capable de ne pas douter de son intelligence. Être capable de soutenir, de souffrir l'arrêt de son intelligence quand il est coupé au niveau de l'ego. Pour qu'il en arrive à être totalement libre dans son intelligence. Une fois qu'il est libre dans son intelligence dans ce moment-là, il peut s'en servir parce qu'elle permettra qu'il se serve. Qu'un ajusteur de pensée permette qu'un homme se serve de lui, il faut que l'homme soit parfait dans son mental, c'est-à-dire qu'il n'ait plus en lui d'astralité qui colore l'énergie de l'ajusteur de pensée. Parce qu'un ajusteur de pensée, c'est une intelligence. Parce que de l'intelligence, ça n'existe pas dans l'univers. Nous autres, on appelle ça de l'intelligence parce qu'on fonctionne psychologiquement et on a un cerveau. Mais dans l'univers de l'intelligence, ça n'existe pas. Ce sont des intelligences. Puis des intelligences, ça n'existe pas. Ce sont des mouvements de lumière, des pré-personnalités qui se déplacent dans le temps. Le phénomène, la phénoménalisation, l'étendue de ce mouvement-là, la progression de ce mouvement-là dans le temps, dans les circuits universels, produit ce qu'on appelle de l'intelligence. Mais de l'intelligence, absolument, ça n'existe pas dans l'univers. Parce que si de l'intelligence dans l'univers existait, automatiquement, on chercherait qui est à l'origine. C'est de là que vient l'illusion de Dieu. Alors, je vous dis ça pour vous faire comprendre, tu sais, quand je dis quelque chose est subtil, je vous dis ça pour vous faire comprendre comment c'est subtil, la façon qu'on pense, et c'est la façon qu'on pense qui nous empêche de savoir. C'est la façon qu'on pense qui crée en nous des sentiments. C'est la façon qu'on pense qui crée en nous des attitudes. C'est la façon qu'on pense qui diminue en nous le pouvoir de lumière. C'est la façon qu'on pense qui diminue en nous l'intelligence. C'est la façon qu'on pense qui nous empêche d'avoir accès à l'intelligence, autrement dit, avoir accès librement au circuit universel. C'est la façon qu'on pense qui nous empêche de nous déplacer dans les circuits universels, c'est-à-dire de passer du plan matériel à l'éther. Autrement dit, c'est la façon qu'on pense qui nous empêche d'être infini. Autrement dit, c'est la façon qu'on pense qui nous empêche d'immortaliser nos corps matériels et de transposer l'immortalité de l'âme à nos corps matériels par le biais de notre esprit. C'est la façon qu'on pense qui fait que l'homme est un esclave de la matière du temps et de l'esprit de l'espace. Et la matière du temps, elle est contenue dans la conscience de l'atome qui constitue l'organisation totale de l'âme. Et l'esprit de l'espace, c'est la temporanéité de l'homme contenue dans le cerveau et accrochée au mur de son expérience par les formes qui constituent la nature de son savoir existentiel. Alors, c'est très important pour l'homme d'être totalement libre. Puis quand je dis libre, l'homme ne peut pas savoir aujourd'hui ce que je veux dire. Mais je sais ce que je veux dire. Être libre, c'est ne pas être conscient de soi-même. Être libre, c'est n'avoir aucune personnalité qui réfléchisse quoi que ce soit qui soit astral. Être libre, c'est avoir une personnalité qui est au service de l'esprit. Être libre, c'est être esprit. Que ce soit esprit dans un corps matériel ou esprit dans l'éther, c'est la même chose. Être libre, c'est n'avoir aucun besoin. Être libre, c'est pouvoir créer tout ce qu'on a besoin. C'est un état, être libre. Ces intelligences-là, est-ce qu'elles sont toutes dans le même savoir? Ces intelligences-là sont toutes dans la même petite lumière. Le savoir, je vais te expliquer qu'est-ce que c'est du savoir. Le savoir, c'est la manifestation organisée au niveau de l'atome de la lumière, permettant dans le cosmos de répandre infiniment et éternellement en dehors de tous les temps la progression rythmique de la nature humaine, de ce que vous appelez vous autres les Alephs. Et les Alephs sont des mouvements de substance tellement éthérisés que l'œil de l'intelligence, de l'immortel, ne peut pas comprendre la direction ni le trajet de ces énergies. Seulement les ajusteurs de pensée peuvent. C'est pour ça qu'éventuellement, il faut qu'on fusionne avec eux autres pour savoir qu'est-ce que c'est le Dieu absolu. C'est ça qu'on appelle le retour à la lumière. Le retour à la lumière, c'est la fusion avec eux autres. Si on ne fusionne pas avec eux autres, on ne peut jamais comprendre qu'est-ce que c'est un élève parce qu'on n'a pas le pouvoir, nous autres, en esprit, les hommes, de nous déplacer dans le temps avec la vitesse qu'eux autres peuvent nous donner lorsqu'ils fusionnent avec nous autres. On est trop lourd. On est trop dense. Tandis que les autres se déplacent dans le temps une rapide, à une vitesse vertigineuse, presque instantanée. Alors, on embelle à comprendre les mystères de l'intelligence, les mystères de la pensée, les mystères de la conscience de l'homme, les mystères de la psychologie de l'homme, pour défaire ce qui nous a été implanté, ce qui nous a été imposé, pour ne plus jamais être imposé rien. C'est-à-dire être capable de, par nous-mêmes, de déchiffrer tout. L'homme doit faire face à l'absolu seul. L'esprit de l'homme doit faire face à l'absolu seul. Et l'absolu, c'est quoi? C'est là juste la réponse. Et lorsque l'homme fait seul face à l'absolu, lorsqu'il est devant l'absolu, il fusionne avec. Puis là, à ce moment-là, il peut se déplacer dans les mondes, et ainsi de suite, et connaître les autres absolus, selon son rapport avec le juste la réponse. Mais on doit se méfier sur la Terre de toute progression de l'intelligence. Il n'y a aucune progression dans l'intelligence. L'intelligence est instantanée. Il n'y a aucune progression. L'homme peut savoir aujourd'hui ce qu'il sera dans 2000 ans, pourvu qu'il soit dans la lumière. S'il n'est pas dans la lumière, automatiquement, son intelligence est progressive et automatiquement, elle est astrale. Parce que dans l'astral, il y a du temps. Dans la lumière, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de limite à savoir ce qu'un être est fusionné, à savoir la position de son. Il n'y aura pas de limite pour savoir ce qui va être dans 2000 ans. Il n'y a aucune limite quand tu es fusionné. Parce que aussitôt que tu parles de limite, lorsqu'un homme cherche à connaître une limite, c'est qu'il cherche à connaître quelque chose. Si tu cherches à connaître quelque chose, tu as déjà ta limite. Quand tu ne cherches pas à connaître rien, tu n'as pas de limite. Si tu dois canaliser l'énergie, tu la canalises. Mais tu dois être totalement disponible à l'énergie. Et pour être disponible à l'énergie, il faut que ta personnalité serve l'esprit et non l'astral. Ça veut dire qu'il faut que ton intellect et tes émotions soient réellement transmutées. C'est ça l'initiation de l'homme. C'est ça qui dure des années de temps. C'est ça que ça raffine, puis que ça raffine, puis que ça raffine, puis que ça raffine. Des fois, vous allez venir à moi et vous allez dire, « Je comprends ça. » Ou je suis prêt à ça. Mais moi, je le sais que ce que tu comprends, c'est partiel. Ce dont tu es prêt, c'est pas le temps. Bientôt, le temps. C'est avec le temps que vous réalisez ça. Quand vous le réalisez, vous le réalisez. Moi, je ne vais pas vous dire, bon, tu comprends ça, mais il y a d'autres choses en arrière de ça. Parce que je suis déjà content que tu comprennes ça. Je ferme ma gueule. Mon but, c'est pas de vous décourager, c'est de vous encourager. Je vous encourage en parlant pas. Je vous découvrirai. Je vous découragerai si je parlerai. Pas moins je parle, moins je vous décourage. la raison pour laquelle je ne vous parle pas. C'est pour que vous vous accrochiez pas autant. Si je vous, vous parlerais de certaines choses, vous seriez accroché autant. Je dirais dans 10 ans. Ah, là, ça resterait dans 10 ans dans votre tête. Ça deviendrait une souffrance pour vous autres. Fait qu'automatiquement, l'intelligence ne travaille pas de même. Je ne suis pas un voyant, même si je vois bien gros. Les voyants ne savent pas quand fermer leur gueule. Moi, je sais quand fermer ma gueule. Alors, le but de vous parler, c'est réellement de toujours vous vider, puis vous vider, puis vous vider, puis vous vider. C'est ça que je fais, je vous vide. J'essaie de vous vider, puis de vous vider, puis de vous vider. Quand je vais vous parler, moi, vous videz. Puis même si vous pensez que vous êtes vide, moi, je sais que vous êtes plein encore. Mais au moins, vous vous videz. Parce que vous réalisez qu'il y a encore quelque chose dedans, puis quelque chose dedans, quelque chose dedans. Puis les gens ont tous différents tempéraments. Il n'y a personne qui ne fait pareil. Il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont moins vite, mais tout le monde va à la même vitesse. Il y en a qui vont être contents ce soir. Tout le monde va à la même vitesse, mais on va vous dire pourquoi. Parce que les hommes seront fusionnés dans un même instant. Tout le monde va à la même vitesse. Une vision de l'ego. C'est une disproportion du pouvoir de l'intelligence. Pour des raisons d'ordre naturel, d'ordre purement humain, matériel, lié au tempérament, au caractère, plan de vie, programmation. Les hommes fusionneront dans le même temps. Fait que tout le monde va à la même vitesse. Soulager quelques-uns. Parce qu'il y en a qui se disent, Chris, il y en a qui se passent chez nous. L'autre est intelligent, moi je ne suis pas intelligent. Ce qui détermine la vitesse dans l'homme, c'est l'humilité. C'est la capacité d'absorber l'intelligence d'un autre en soi, sans vibrer. Que ce soit une grande intelligence ou une petite intelligence, pas grand. Puis j'en dis gros, là. Parce que vous autres, vous ne savez pas ce qui se fait au niveau de la mécanique de votre mental quand vous écoutez quelqu'un parler. Quelqu'un parmi vous autres, je ne parle pas de moi, tout le monde me prend pour acquis, moi. C'est pas avec moi que vous évoluez plus vite sans vous autres. C'est pas avec moi. Même moi, je peux retarder votre évolution comparée à ce que vous pouvez évoluer avec un autre. Quand vous pourrez vous parler entre vous autres, comme on se parle nous autres, vous allez voir que vous en faites du travail dans votre mental. C'est là que vous allez déchirer les voiles d'astral. Parce que tout ce que je peux faire, mon intelligence est tellement précise que tout ce que je peux faire dans ma vie avec vous autres, c'est vous éclairer dans la mécanique comment ça se passe. Mais c'est entre vous autres que vous pouvez déchirer le voile de l'astral ou l'amplifier. C'est là réellement votre liberté d'accession à la conscience supramentale, pas avec moi. C'est entre vous autres, hommes, femmes. c'est bien plus réel ce que je dis que vous pouvez vous imaginer. Parce que c'est plus difficile d'avoir au-delà de leur personnalité que de la tienne. C'est ça. C'est pour ça que je dis, les gens, moi, ils me prennent pour acquis, parce que j'ai une grande gueule. J'ai une gueule d'or, mais... Si vous compreniez combien, si vous réalisiez combien c'est important, merci, ce que je dis là, vous seriez attristé par la lenteur des choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être dites à l'homme concernant soit la fusion ou concernant le contact éthérique entre les immortels qui sont sur la Terre et l'homme. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être dites à l'homme parce que l'homme ne doit pas être amené à la conscience par le corps de désir. L'homme doit être amené à la conscience par la souffrance. C'est-à-dire par le déchirement du voile du corps de désir. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être dites à l'homme. Mais les choses qui peuvent être dites à l'homme, comme la communication entre les hommes et la capacité entre les hommes de se parler objectivement, c'est de très, très grande importance. Parce qu'aussitôt que vous... Aussitôt que vous entrez en communication avec quelqu'un qui n'a pas la parole juste, automatiquement, il se fait en vous une perte d'énergie. Et il ne doit pas se faire de perte d'énergie en vous quand vous parlez avec quelqu'un qui n'a pas la parole juste, si vous n'êtes pas astral. C'est le fait que vous êtes astral qui est une perte d'énergie. Parce que quand vous êtes astral, vous avez toujours une sorte de soif qui ne peut vous être donnée que si la personne avec laquelle vous êtes en communication peut mettre en suspension votre astralité en s'attaquant directement à votre mental supérieur. Mais les gens ne peuvent pas tout faire ça. Ou ne peuvent pas le faire pendant une période de temps maintenue. Automatiquement, l'astral rentre en jeu. Moi, je sais que lui a avancé là-dedans. Parce que le travail qui se fait sur nos corps, c'est toujours un travail qui se fait contre nous-mêmes, contre notre astralité. Parce que c'est pas ce que vous dites en vous autres ou l'intérêt que ça peut vous apporter ou que ça peut vous donner qui est important. C'est la réaction que ça fait en vous autres qui est important. C'est comme si le Dr Arbeck demande une question. Je sais qu'il va me demander des questions. Des fois, ça va forger bien du monde. C'est ça qui est important. C'est pas sa question. Sa question est simplement le véhicule d'une certaine vibration qui va créer dans les autres une tension. On va dire, elle a été Christ. C'est ça qui fait le travail. C'est subtil comme ça, le travail de l'ajusteur de pensée. Ça va jamais aussi bien que quand ça va mal. Ça va jamais aussi bien que quand ça va mal. C'est toi qui l'as dit. C'est pas moi. Ça va jamais aussi bien que ça va. Puis ce que tu viens de dire, un jour, tu le comprendras en profondeur. Puis quand tu le comprendras en profondeur, tu ne pourras plus souffrir quand ça va mal. Fait que ça ira vraiment mal. Parce qu'on a beau parler de la destruction de l'âme, Détruire l'âme, c'est ce qui est le plus dur dans l'âme. C'est ce qui est plus dur, la destruction de l'âme. Mais quand c'est fait forever. La destruction de l'âme et la fusion, c'est la même chose? Même chose. On va finir par ça? On doit. Puis après ça, là, là, la vie commence. Là, aujourd'hui, vous commencez à goûter de la couleur de la vie. Un jour, vous connaîtrez le son de la vie, puis un autre jour, vous serez dans la lumière de la vie. Vous connaîtrez le son de la vie quand vous pourrez parler. Puis à ce moment-là, déjà, votre vie va être beaucoup plus intéressante qu'aujourd'hui. Parce que la couleur de la vie, c'est intéressant, mais c'est pas assez encore. C'est encore lourd. Quand tu commences à parler, là, tu es dans le son de la vie. Puis après ça, ça vient la vie. Puis quand tu passes de un à l'autre, tu es plus intéressé à l'autre avant. Disait quelque chose à soi. Ouais. Moi, je peux pas m'imaginer que les gens me disent. J'ai jamais de communication, moi. Ça me dépasse. La minute que tu parles, tu te parles. C'est le mouvement de haut en bas. Renverser le mouvement de bas en haut. Tu peux pas avoir une pensée dans ta tête qui va... Tu peux pas avoir une pensée dans ta tête qui est explicative seulement. Une pensée dans ta tête, elle est toujours informative. Seulement, vous autres, vous restez au niveau de l'explication. Vous rentrez jamais dans l'information. Fait que vous ouvrez jamais le dialogue avec lui. Il faut que vous l'ouvriez, le dialogue avec lui. Une pensée qui est affirmative. Exemple. Elle ferme plus le temps n'importe quoi. Écoute-toi. La cosmologie des systèmes, c'était selon un plan du réel. C'était pas comme ça. Bon. OK. À ce moment-là, tu reçois ça. Ouais. Tu demandes, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as comme réponse à ce moment-là? On m'a fait une expérience. Demande-toi donc, qu'est-ce que c'est la nature de toi? Trois fois le plein. Mente tout à cette heure dans ta tête, qu'est-ce que ça veut dire? Attends la réponse mentale. La loi. Mente-toi. Faut que tu ailles dans ta tête. Comme si tu parles à quelqu'un dans ta tête. Il y a toujours quelqu'un dans ta tête. Il y a toujours un autre être dans ta tête. Si tu reçois des pensées de n'importe quelle sorte, qui ne te servent pas, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Mais si toi, tu ne le réalises pas, il va continuer à t'en envoyer. Oui, je laisse passer. Tu laisses passer, OK. Mais à un certain moment, il faut que tu arrêtes, il faut que ça arrête. Je je n'ai pas renversé, je n'ai pas fait le dialogue. Il faut que tu fasses le dialogue. Ouais. Mande donc pourquoi si tu reçois ces pensées-là, qu'est-ce que tu as comme réponse? Pour le plaisir de laisser une situation se faire. Quelque chose comme ça. Pour établir un coup, là. Là, tu reçois quelque chose. Ouais. Comprends-tu la différence là, entre les niaiseries et l'information? Ouais. C'est ça. C'est pour établir un courant. Là, demande-toi dans ta tête quand est-ce que ça va se tasser, ce courant-là. Ça, c'est encore de la foutaille. Tu vois là, comment ça va, là? Bon, mais toi, tu passes la plupart de ton temps dans foutaille. Ouais. De temps en temps, t'as quelque chose comme du monde. Au lieu d'avoir quelque chose comme du monde tout le temps, ou du silence parfait. Fait qu'il faut que tu renverses le courant. Puis t'es pas tout seul. C'est plein de monde, comme toi, dans les séminaires, qui renverse pas le courant. Vous recevez des informations, vous savez que ça parle, vous savez que ça vient d'en haut, vous savez tout ça, mais vous renversez pas le courant. Fait que, ce que ça fait, c'est que ça ne vous instruit jamais dans l'état de votre esprit. C'est simplement du matériel qui passe, puis du matériel qui passe, puis du matériel qui passe. Mais tu sais ce qui peut arriver, hein? Ils peuvent faire passer tellement de matériel que vous allez sauter. C'est ça que je vous dis, renversez-les le courant pour l'arrêter, le courant. C'est comme elle, si elle est en psycho, elle, puis il y a un malade qui arrive devant elle, elle compte ses histoires, OK. Penses-tu que la malade a besoin de compter son histoire? Ah, un psychologue ou une personne qui travaille dans ce genre de communication-là, il y a deux façons de fonctionner simultanément. Il y en a une qui est d'écouter l'autre, parce que l'autre, il faut être capable. Okay. Pendant qu'elle écoute l'autre en haut, il part. Pendant que l'autre dit quelque chose, mais là, l'autre en haut, il va dire telle chose sur ce qu'elle dit, elle. Fait que pendant qu'elle est informée au niveau humain, elle est informée aussi au niveau interne. De sorte qu'elle suit intelligemment ce que l'autre dit inconsciemment. Fait que là, elle peut éclairer l'autre, puis éclairer l'autre, puis éclairer l'autre. Puis suivant la vibration, mais éventuellement, l'autre n'a même pas besoin de parler. Elle peut lui dire exactement, mais tu devrais. Ton problème, c'est ça. Ça dépend de la situation de la relation humaine. Il faut qu'on fonctionne simultanément en vertical puis en horizontal. Puis sur le plan interne, en soi-même, il faut qu'on fonctionne en vertical tout le temps. Sans ça, tu vas te faire déverser, puis déverser, puis déverser, puis déverser, puis ça n'arrêtera pas. Il faut qu'on se parle dans notre tête comme si on parle à quelqu'un, parce qu'il y a effectivement quelqu'un là. Tout ce qui t'empêche de faire ça, c'est la petite orgueil, la petite orgueil, la petite touche. C'est pas gros. Pas gros. Petit. Puis dans ton petit orgueil, il y a deux choses. Une affaire. Une des petites choses, c'est que tu veux pas toujours t'admettre certaines choses. Puis l'autre petite chose, c'est que derrière le fait que tu veux pas t'admettre certaines choses, tu voudrais quand même aller plus loin. T'sais, tu veux pas te l'admettre, mais tu veux aller plus loin. T'sais. Avance, recule, avance, recule, t'sais, avance, recule. Il est venu fou, le cheval. Avance, recule. Moi, je me suis tanné de faire le mouvement parce que ça va souvent répondre des niaiseries. Mais c'est pas le temps, mais c'est pas le temps. Ça vient tanner de faire répondre, c'est pas le temps. Ça vient tanner de se faire répondre, c'est pas le temps, mais tu peux rien faire. Parce que ça fait partie du travail qu'on. Bon, au moins, tu as de l'information. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Il s'agit que vous receviez de l'information qui est réelle, au lieu de recevoir de l'information qui est purement didactique. Faut que ça vous serve. Faut que ça vous éclaire. Quand tu reçois quelque chose dans ta tête, il faut que ça t'éclaire. Si ça t'éclaire pas, c'est une perte d'énergie. Faut que tu renverses le courant. Puis aussitôt que vous renversez le courant, vous allez chercher de l'information qui vous est claire. c'est pas spéculatif, ça. Il faut que ça serve aussi sur le plan matériel dans les signes de maintenant. On va se faire répondre ce podcast souvent si on fait jouer la spéculation avec eux autres. Tu sais qu'on parle quand on lit avec eux autres. Pour avoir l'information avec eux autres. Mais quand j'ai besoin d'information, par exemple, par rapport à une chose matérielle là, que je suis en train de faire, quand je dis matériel, je dis sur le plan ici, là, concret, physique. Tu l'as l'information. Moi, je veux savoir une chose dans les airs. Comment ça se passe, telle affaire, puis je m'en vais le tour, là. Probablement que je ne l'aurais pas. Mais quand je l'ai besoin là, actuellement avec un client, je l'ai. Je sais. Et des fois que ça tarde de 10 minutes, mettons, mais c'est important, l'autre appart pendant ce temps-là. Mm-hmm. Attends. Des coups flou que ça tombe. Ça, ça vient clair, ça clair avec la dernière partie. Tout est éclairé. Mais c'est. On dirait qu'ils ne donneront pas d'énergie mais si tu fais avec et tu te l'emmagasines en non, l'air. Non. Faut qu'elle serve. Mais les gens ne sont. Les gens n'ont pas. Les gens n'ont pas les mêmes circuits. Les gens n'ont pas la même sorte d'intelligence. Les gens n'ont pas accès à la même information. Les gens n'ont pas le même tempérament. Tout est une sorte d'information. Lui, elle va en avoir un autre. Lui va en avoir un autre. Lui va en avoir un autre. Il n'y a personne qui fonctionne pareil. Mais on dirait que c'est un peu comme ça que ça se manifeste. Par exemple, une mère de famille me disait, moi j'ai le goût de dire ça, il faut que ma fille comprenne ça, telle affaire. Elle a 4 ans ou 5 ans, c'est devant le bébé. Elle me dit, je ne savais pas comment le faire. Mais tout d'un coup, il était dans une situation, je l'ai vu la situation. J'ai su comment le faire. Mais dans les airs, je devrais savoir comment. Mm-hmm. Parce qu'on pense à ce temps-là. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis, il faut renverser le courant. Ouais. Parce que si tu reçois toujours des affaires dans les airs, tu vas rester dans les airs. Si tu renverses le courant, tu les forces à descendre dans une pratique. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça n'a pas de bon sens, mais crisse-moi à paix. Fait que là, tu nettoies, puis tu nettoies, puis tu nettoies, puis éventuellement, tu reçois l'information, puis c'est clair et net, puis ça sert dans le quotidien. Il faut que ça serve dans le quotidien. Mais les gens ne renversent pas le courant. Il n'y a pas autant de gens qu'on s'imagine qui peuvent parler dans leur tête. Il y en a combien ici dans la salle qui peuvent avoir un dialogue réel et constant avec eux autres? Êtes-vous capable de me donner un... Moi, j'en ai, mais pas prolongé. Même si ce n'est pas prolongé, mais avoir un dialogue avec eux autres. Y en a-tu d'autres? D'identifier que ça se passe, en tout cas. D'identifier que ça se passe. Mais je veux dire, un dialogue, moi, là. Un dialogue. Parlez avec. Après, moi, je peux pas me fier à ce qu'ils me disent dans mon quotidien. J'ai essayé, puis je me fais organiser. Ouais, OK. Ouais. Mais ça, c'est un autre aspect. Tu peux pas te fier à ce qu'ils disent dans ton quotidien parce que ce qu'ils te disent n'est pas intégré à ton quotidien. C'est intégré à ton quotidien. Toi, c'est parce que ton esprit est trop dirigé vers eux autres. Ça, c'est une erreur que les gens font. Vous dirigez votre esprit à eux autres. Dirigez pas votre esprit à eux autres. Dirigez votre esprit vers la matière, puis eux autres vont descendre dedans. Ah, c'est pour qu'ils descendent la matière. Ben oui. Dirigez pas votre esprit à eux autres. Dirigez votre esprit vers votre matière, puis eux autres vont descendre dedans. Non, vous autres, vous regardez vers en haut, puis vous voulez... une grappe de raisin. Bien évidemment, le raisin est tout mou. Dirigez votre regard vers votre matière. Faites votre affaire avec votre intelligence et votre volonté. Puis automatiquement, l'énergie va descendre. C'est le même que ça marche. Fait qu'à ce moment-là, la communication n'est plus une communication. Ça devient comme l'énergie de l'ajusteur, l'énergie... Mon énergie devient une. C'est fait ça. Que là, t'as pas besoin de demander, tu fais. T'as pas besoin de demander, tu fais. C'est ça. Manifeste l'énergie de l'ajusteur. Tu la manifestes, elle descend. Mais qu'est-ce qui arrive vraiment quand tu te fais réveiller la nuit, là? T'as de l'information, hein? Bon, ça vient de la lune, mais à un moment donné, t'es tanné, tu dis là, ça que ma père, elle veut dormir. Puis là, tu te réveilles le matin, puis t'essayes de te rappeler ce qui t'a fait. Je peux pas me rappeler quand tu fais. Mais c'est pas de la télépathie, là. Qu'est-ce que tu dis là? Vous êtes bien trop intéressé à ce qu'il vous dit. On est à cause de notre conscience expérimentale, on est comme des on cherche des croûtes de pain. On est des pauvres. Puis on est pauvres tant qu'on quête. Puis on leur quête. Puis ils nous donnent des croûtes de pain. Il faut diriger notre regard vers en bas, vers soi-même. Puis automatiquement, ça part. On devient riche. Pas leur demander. Moi, je suis fusionné. Moi, si ma femme, elle s'en va en ville, puis elle retarde, là. Je dis, elle va-tu arriver?